بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى توقفنا عند قوله رحمه الله فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله عز وجل وأنه لا يغفر بغير التوبة من وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عن فقط بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. ثم قال المصنف واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام وأجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينه عليها وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل فقال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. Donc inshallah on va commencer inshallah cette nouvelle assise بتوفيق الله وبإذن الله تعالى. On va commencer cette nouvelle assise sur la continuité de notre étude du livre تجريد التوحيد المفيد. سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Alors, on va continuer. Alors, hier, on s'est arrêté lorsque l'auteur, dans le passage, après qu'on ait parlé de la rétribution, de la résurrection et de la parole du Satan, de Iblis, à Shaitan, envers les êtres humains après les avoir ou plutôt avoir causé leur perdition. On a discuté de cela dans la dernière assise, et donc on va continuer sur les propos de l'auteur dans son œuvre « Le Tawhid à l'état pur ». Le Tawhid bénéfique à l'état pur. Alors, il termine ce passage en disant « Voilà la raison subtile pour laquelle l'association est considérée par Allah comme le plus grand » des péchés. Il est si grave qu'il ne peut être pardonné sans sans repentir et qu'il a encore le terrible châtiment éternel. C'est-à-dire celui qui ne s'en repentit pas de ce shirk. On avait terminé sur cette parole de l'auteur. Ensuite, l'auteur dit, dans une traduction rapprochée de ses propos, il dit, son caractère ignoble ne provient pas simplement du fait qu'il est interdit. Ça ne provient pas seulement du fait qu'il soit interdit. Il est tout bonnement impossible, cependant, qu'Allah légifère à ses créatures d'adorer un autre que lui, au même titre qu'il ne peut légiférer toute chose allant en opposition avec ses attributs parfaits et sa majesté. Une traduction approchée des paroles de l'auteur. Ensuite, on continue, et là l'auteur mentionne « Wa'alam an-nasa ». Ensuite, l'auteur dit « Et sache qu'il existe « Wa'alam an-nasa fi ibadatillahi ta'ala wa l'isti'anati bihi ala arba'ati aqsam ». Et il dit « Et sache que les gens, les hommes, concernant l'adoration du Créateur et la demande d'assistance, c'est-à-dire à l'istihana, la demande d'aide, sont de plusieurs catégories. Et il va citer quatre catégories. Donc l'auteur dit, en d'autres termes, sache qu'il existe plusieurs catégories d'individus concernant l'adoration et l'aide d'Allah. C'est-à-dire les deux termes, al-ibada ou al-istihana. Il cite deux choses. Ce qu'on appelle al-ibada, comme vous le savez, l'adoration, et ce qu'on appelle al-istihana. Et ce qu'on appelle al-istihana, la demande d'aide, la demande d'assistance, c'est talabul aoun. Talab al-aoun. Donc, l'auteur dit concernant ces deux choses, l'adoration du Créateur, et concernant la deuxième chose, la demande d'aide et d'assistance du Créateur, alors il dit, les individus se divisent en plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'il existe différentes catégories. Et il va citer qu'il se divise en quatre catégories. Et là, vous comprenez bien qu'il fait référence au verset « Iyaka na'abud wa iyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Dans une traduction rapprochée relative du sens du verset. Dans la sourate, l'ouverture al-Fatiha. Qu'on récite tous, que tous les croyants, femmes ou hommes, les musulmans et les musulmanes, récitent dans leur prière plusieurs fois par jour. Donc plusieurs fois par jour, on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Vous avez vu l'auteur précédemment, dans le début de son œuvre, il a fait allusion à ce verset et à ce passage du Coran. Et là, il revient. Il revient à cela, vu l'importance. Et là, il va nous enseigner un enseignement immensément bénéfique pour nous, pour bien comprendre le sens de l'adoration et de la demande d'aide. Alors, pour cela, il dit « Wa ajalluha wa afdaluha ahlul ibadati wal isti'anati billahi alayha fa'ibadatu Allah ghayatu muradihim wa talabuhum min an yu'inahum alayha » Il regarda ensuite l'auteur dans son œuvre. Il dit qu'Allah lui accorde la miséricorde. Et il dit, et la plus illustre d'entre elles consiste à l'adorer et à implorer son aide. Vous avez dû sûrement comprendre lorsqu'il dit, et la plus illustre d'entre elles. C'est-à-dire de ces catégories. Parmi ces quatre catégories qu'il va citer. C'est ceux qui vont rassembler entre l'adoration et la demande d'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est ceux qui accomplissent les deux et pratiquent les deux. Al-ibada wa al-isti'ana. Puisque les deux termes en arabe, c'est al-ibadatu wa al-isti'anatu. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Et donc, il dit la meilleure des catégories, donc, c'est ceux qui vont réunir les deux. Et dans la dernière assise, avant de se quitter, on avait dit que l'auteur s'est basé, justement, il transmet des propos de l'imam Ibn al-Qayyim, du grand savantissime, de l'illustre savant érudit Ibn al-Qayyim, dans son livre Madarij al-Salikin Bayna Manazil Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in. Et c'est pour ça que les savants disent que banahu ala hadhihi al-manazil, que Ibn al-Qayyim, justement, son livre Madarij al-Salikin, justement, il l'a fondé, basé sur cela, justement, sur ces catégories d'individus, sur l'explication de al-ibada wa al-istihana. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. فلابد من عبادة الله والاستعانة به والناس انقسموا نحو هذا على أربعة أقسام يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. Et donc, c'est pour cela que le croyant, lui, doit rassembler, réunir, unir entre les deux. C'est-à-dire, il doit avoir al-ibada et al-istihana. Il doit être dans la première catégorie, ceux qui rassemblent les deux. وَالنَّاسُ Mais les gens, d'une manière générale, se divisent en quatre catégories par rapport à l'adoration et la demande d'aide. Donc par rapport à l'ibada et par rapport à l'istihana. Très brièvement, pour synthétiser, si vous voulez, les quatre catégories, avant qu'on les explique, puisque l'auteur va lister, on va citer les quatre catégories, puisque l'auteur va citer chacune d'entre elles avec des éléments. Avec des éléments. Les quatre catégories pour synthétiser, la première c'est celles qui vont réunir entre al-ibada wa al-istihana, comme on l'a cité précédemment. La deuxième c'est man la ya'bud Allah wa la yasta'in bih. La deuxième catégorie c'est ni il l'adore et ni ils implorent son aide. La troisième catégorie c'est ceux qui adorent Allah azza wa jal mais n'implorent pas son aide. Et la quatrième catégorie, al-qism al-rabi', man yasta'in billah walakin la ya'budu. C'est ceux qui implorent l'aide du Créateur, mais ils ne l'adorent pas. Mais ils ne l'adorent pas pour autant. Et donc ça, c'est les quatre catégories. Et donc maintenant, on va pouvoir y revenir. Je les répète. Les deux dernières. Alors, les deux dernières, on a dit, ceux, c'est la catégorie qui adore Allah, Azza wa Jal, mais sans pour autant implorer son aide. Mais il n'implore pas son aide. Et la quatrième, c'est ceux qui implorent son aide, mais n'adorent pas. وَلَا يَصِحْ إِلَّا الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْإِسْتِعَانَةِ. Et donc, les grands théologiens musulmans, les grands savants, nous disent que لَا يَصِحْ. Et dans ces quatre catégories, la seule qui est bonne et valable, c'est la première. Le fait d'unir entre al-ibada wa al-istihana. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Parce que lorsqu'on dit « Iyaka na'bud » voilà, club fixe. Donc on disait, les savants disent que lorsqu'on dit « Iyaka na'bud » ou « Iyaka nasta'in » tu'ahid Allah alla ta'bud illa iyah. Lorsque tu dis « C'est toi que nous adorons et toi seul dont nous implorons » En quelque sorte, les savants nous expliquent, comme on avait fait le rappel dans des assises précédentes, qu'on prend un engagement, on s'engage avec notre Créateur de n'adorer que lui. De n'adorer que lui et d'implorer l'aide de lui seul. Seulement. Et ça, c'est très important. Il y a qu'un arboud, certains pourraient comprendre, c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons l'aide. C'est-à-dire qu'il pourrait comprendre ce « on t'adore », mais ça n'exclut pas, ça n'empêche pas qu'on peut adorer avec toi autre que toi. Sauf que le verset « Iyyaka na'bud » sous-entend « c'est toi que nous adorons seulement, exclusivement, sans adorer personne avec toi. »« Iyyaka nasta'in » c'est toi dont nous implorons l'aide, toi seulement et personne d'autre avec toi. Subhanahu wa ta'ala. Et donc le croyant et la croyante, lorsqu'on dit Yaka na'bud, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous appelons l'aide, c'est une sorte d'engagement, de pacte avec le Créateur de n'adorer que lui. Subhanahu wa ta'ala. Wa la nasta'in illa bih fi kulli rak'ah min salatik. Et donc cela on le répète, on le réitère comme on l'a dit précédemment, pendant ou à chaque prière. On le répète à chaque prière. Donc c'est très important de connaître le sens des versets qu'on répète et qu'on récite dans la prière, surtout le sens des versets de Sourate Al-Fatiha. Pourquoi ? Parce que la Sourate Al-Fatiha, c'est un pilier. Rakn min arkan al-salah. C'est un pilier parmi les piliers de la prière. Et donc de bien connaître le sens de cela. فحينما تقرأ هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة والقبوريون والخرافيون يقرؤونها ولكن لا يعبدون الله ولا يستعينون به وهم يقرؤونها وهم يرددون هذه الآية ولكن مع هذا لا يعبدون الله ولا يستعينون به بل يعبدون الله عبادة لا يعبدون الله عبادة خالصة وإلا فهم يعبدون الله بأنواع من العبادات ولكنهم لا يعبدونه عبادة خالصة ولا يستعينون به في المهمات وإنما يستعينون بالمخلوقات وبالأوثان وبالأموات إلى آخره. Et c'est pour cela que beaucoup, par exemple, de notre communauté, lorsque, par exemple, ils s'adonnent à l'adoration de l'Aulia, en les prenant comme intermédiaires et intercesseurs, en réalité, ils n'ont pas voué l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de répéter ces versets, en l'occurrence le verset Iyyaka na'bud, le fait de le répéter, ça ne veut pas dire forcément qu'on le met en application et qu'on réalise l'essence de ce verset et les implications de celui-ci. Pourquoi ? Parce que beaucoup de musulmans, beaucoup de gens alladhina yantasibuna ila l'islam et qui écoutent le livre d'Allah et les versets et les passages et le Coran et qui le récitent et qui prient aussi, lorsqu'ils s'adonnent à ces pratiques de prendre des awliya, des alliés comme intercesseurs et intermédiaires, ils n'ont pas réalisé leur engagement iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Même s'ils prient pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent les savants, même si ils réalisent des formes d'adoration et vous des formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette adoration-là n'est pas exclusive, n'est pas vouée exclusivement au Créateur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en arabe, comme il est cité le terme, khalisa. Ce n'est pas khalisa. Le verset implique que notre adoration et notre demande d'aide soient khalisatan lillahi azza wa jal, soit voué purement et seulement exclusivement à lui subhanahu wa ta'ala. Wa ajalluha wa afdaluha ahl al-ibadati wal isti'anati billahi 'alayha ay alladhina jama'u bayna al-ibadati wal isti'anati billahi 'alayha ay 'ala al-ibadati li'annahu lawla anna Allah a'anaka ma istata't an ta'buda. لاحظ السر بين الجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين لولا أن الله أعانك ما استطعت أن تعبده. Et là, regardez la faïda qui est très pertinente, l'auteur du livre Ifadat al-Mustafid. Regardez la faïda qu'il dit. Il dit donc, l'auteur lui-même, l'imam Taqiyuddin al-Maqrizi, rahimahullah, donc ça c'est le nom de l'auteur, hein, du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Donc lui, sa parole, c'est qu'il dit « Wa ajalluha wa afdaluha ahli al-ibadati wa l'isti'anati billahi azza wa jal. » Azza wa jal. Et donc il dit « La plus illustre de ces catégories, c'est ceux qui adorent et implorent l'aide d'Allah azza wa jal, comme on l'a cité précédemment. » L'auteur de Ifadat al-Mustafid, qui est le commentaire du livre, il dit dans l'explication de cette parole « الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْإِسْتِحَانَةِ. Ceux qui vont réunir entre l'adoration et l'imploration de l'aide. L'imploration de l'aide. Regardez la faïda que va donner l'auteur du commentaire. Il dit, on adore, on s'engage à n'adorer que lui, Allah Azza wa Jal, Iyyaka Na'budu, et on demande son aide. Son aide, justement, pour réaliser et accomplir cette adoration. Pour réaliser et accomplir cette adoration. Et ça, c'est une très belle faïda, puisque regardez ce qu'il va dire. Il faut qu'Allah Azza wa Jal t'aide pour l'accomplissement de cette adoration pure, vouée à lui. Et le shir dit, le savant dit, lahiv, remarque, assir, le mystère, le secret, bain al-jama, qu'il y a dans le fait de rassembler les deux. C'est pas en vain qu'Allah Azza wa Jal, il a cité, iyyaka na'budu, dans le verset, il dit, c'est toi que nous adorons, et comme on l'a dit précédemment, on a appris, il est sous-entendu, wahdak, toi seul. Lorsqu'on dit, on traduit littéralement, c'est toi que nous adorons, mais le sens est toi seul. Il n'y a qu'un arbut. Et ce n'est pas en vain. Remarquez qu'Allah Azzawajal a réuni entre l'adoration et l'istirana. Voilà, l'istirana. Et l'istirana est une forme d'adoration. Le secret, l'auteur des Fadat al-Mustafid, dans le fait d'avoir rassemblé et que les deux soient réunis, l'adoration ou l'istirana, l'auteur dit, laoula annallaha a'anak, parce que si ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui t'aide à accomplir son adoration, tu ne pourrais le faire. Subhanallah. Tu ne pourrais le faire. Laoula annallaha a'anak mastata'ta an ta'buda. Et cette phrase, il faut la prendre. Cette phrase, il faut l'écrire. Et il faut l'apprendre. Laoula annallaha a'anak ala al-ibadah mastata't. Mastata't an ta'buda. Si ce n'était pas Allah Azza wa Jal qui t'accordait l'aide et l'insistance pour l'adorer, tu ne pourrais l'adorer. Dans le sens, tu ne pourrais point l'adorer. Donc, si tu te vois dévot et tu arrives à accomplir l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tu ne dois cela qu'à ton créateur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi hadak. Huwalladhi hadak. C'est lui qui t'a guidé, lakin, pas seulement, a'anak ala ibadati. Et c'est lui qui t'a aidé et qui t'aide à l'adorer. Subhanahu wa ta'ala. Donc on a besoin qu'il nous aide. C'est pour ça, lorsqu'on dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, le sens est vraiment lourd. Le sens est immense. فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْبُدَ. Donc si ce n'était pas Allah Azza wa Jal, l'auteur du commentaire dit, de Ifadat al-Mustafid, si ce n'était pas Allah Azza wa Jal qui t'aide, مَا اسْتَطَعْتَ, tu ne pourrais point l'adorer, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui prouve cela, les savants, lorsqu'ils évoquent ce sujet-là, souvent ils font référence et allusion à un récit, à un hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a qal li Mu'adh ibn Jabal. Ya Mu'adh, wallahi, إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et là, les savants font référence à cela, comme l'auteur lui-même. L'auteur lui-même, il a fait référence à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Regardez comme il va le stipuler, l'auteur dit: c'est pourquoi la meilleure invocation que l'individu peut faire, c'est d'implorer Allah de l'aider à trouver son agrément. Le prophète, effectivement, enseigna à Mu'adh ibn Jabal cette invocation en ces termes: ô Mu'adh, par Allah, je t'aime vraiment. Alors n'oublie jamais de dire après chaque prière: ô Seigneur, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, aide-moi à te remercier et à te vouer une belle adoration et à te vouer une belle adoration. Et l'auteur ensuite, après avoir cité ce hadith, il dit « L'invocation la plus utile, c'est d'implorer l'aide d'Allah à trouver son agrément. » À trouver son agrément. Comme vous pouvez retrouver cela dans le livre de Ibn al-Qayyim, le célèbre érudit savantissime savant, « Fi Madarij al-Salikin ». Madarij al-Salikin. Donc, parmi les invocations les plus utiles, c'est d'implorer l'aide et l'assistance d'Allah Azza wa Jal pour l'accomplissement de son adoration. Et c'est pour cela que, regardez, le prophète Ansem, lorsqu'il s'est adressé à Mu'adh ibn Jabal, il lui dit « Oh Mu'adh, Wallahi inni uhibbuk » par Allah, le prophète a fait le serment. Il a juré par Allah qu'il aimait Mu'adh. Il lui a dit « Certes, inni la uhibbuk » En plus, lorsqu'on observe le hadith et la linguistique arabe, le style d'arabe employé ici, on voit qu'il y a, premièrement, il y a le serment, où le prophète jure et fait le serment, et aussi, on a l'am tawkid. Wallahi, inni la uhibbuk. Si on met le l'am tawkid, sinon dans la version que j'ai, il n'y a pas le l'am. Inni uhibbuk. Inni uhibbuk. Et donc le prophète Ansem confirme, certes, ô Mu'adh, je t'aime vraiment. Et là, les savants disent, ça suffit pour le compagnon comme fakhr, comme vraiment honneur. C'est un honneur. Imaginez-vous Mu'adh ibn Jabal, le compagnon, le prophète sallam lui annonce qu'il l'aime pour Allah azza wa jalla, qu'il l'aime vraiment. Il lui dit, je t'aime vraiment, ô Mu'adh. Et là, les savants ont déduit ce hadith-là que ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam d'évoquer son amour pour quelqu'un lorsque celui-ci est là, est présent. Wa kafa bihadha fakhran. Et là, le prophète, sans même après lui avoir dit cela, il lui dit fala tada. Donc là, le prophète, il lui dit cela, il lui annonce qu'il l'aime et ensuite il va lui enseigner une chose immense. Et ça, c'est ça fait partie des trésors. Vous avez vu le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner quelque chose, et avant cela, comment il s'adresse à lui ? Il prend Mu'adh ibn Jabal en lui disant vraiment « je t'aime » et là, il va lui enseigner une chose. Il va lui dire « fala tada' » « ne délaisse jamais » avant chaque, ou à la fin plutôt, de chaque prière, ne délaisse jamais le fait de dire Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ne délaisse jamais cela. Après chaque prière, de dire ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à accomplir une bonne adoration pour toi. C'est un enseignement immense. Vous avez vu, et la manière dont s'est adressé le prophète, c'est la meilleure manière pour, lorsqu'on veut qu'une personne accepte ce qu'on va lui dire, regardez, le prophète s'adresse à lui en lui disant, certes, je t'aime vraiment, ensuite il va lui apprendre cela. Et comme étaient les valeurs, et comme cela était les valeurs du prophète, فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى عِبَادَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعِينَهُ عَلَى عِبَادَتِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ. Et les savants dans l'explication, en l'occurrence l'auteur du commentaire Ifadat al-Mustafid, il dit pourquoi le prophète lui enseigne cela? Ce doigt il est immense. Parce que si ce n'est pas Allah qui t'aide à accomplir son adoration, tu ne pourrais le faire. Tu ne pourrais pas. Alors il faut implorer l'aide d'Allah Azzawajal pour l'accomplissement de l'adoration. Or l'adoration du Créateur, c'est quelque chose d'immense, de grand. Et c'est justement l'objectif pour lequel on a été créé. Donc c'est pas quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose vraiment qu'il faut réaliser et accomplir. Et pour la réalisation de celle-ci, il faut implorer l'aide du Créateur subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعِينْهُ عَلَى عِبَادَتِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ وَيُرَدِّدْ هَذَا الدُّعَى بَعْدَ كُلِّ فَرِيضَةِ. Et en plus, Les savants disent que cette invocation, il faut la dire et la répéter après chaque prière prescrite. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, فَلَا تَدَعْ ne délaisse jamais أَن تَقُولَ فِي دُبُورِ كُلِّ صَلَةٍ de dire après chaque prière, donc il est dit après chaque prière. Ça sous-entend كُلِّ الْفَرِيضَ toutes les prières prescrites, de répéter ce dua. فِي دُبُورِ كُلِّ صَلَةٍ. Ensuite, les savants ont eu deux avis concernant le sens de à la fin de chaque prière. À la fin de chaque prière. وَهَلُ الْمُرَادُ بِالدُّبُورِ أَخِرُ الصَّلَةِ أَمْ بَعْدَ السَّلَامِ. Et donc les savants, ils ont expliqué le terme فِي دُبُورِ كُلِّ صَلَةِ. Ce que nous on traduit après chaque prière, on traduit de manière rapprochée. Mais les savants, eux, ont émis deux avis concernant le terme فِي دُبُورِ كُلِّ صَلَةِ. À la fin de chaque prière, littéralement. Est-ce que ça veut dire après le salam ou à la fin de la prière, mais avant le salam? Donc c'est à la fin, certains savants considèrent que c'est à la fin de la prière, mais avant le salam, de dire cela. Et d'autres savants considèrent Bard as-salam. Ala al-qawlayn, fa'ayyuhuma waqa'a hadha ad-du'a imma fi akhir as-salah aw ba'daha fa'innahu waqa'a mawqi'uhu. Mais l'auteur, Sheikh Fawzan, dans son commentaire, il dit, mais que ce soit avant le salam ou après le salam, la personne qui le dit soit avant le salam ou après le salam, Inch'Allah, son dua, son imploration, elle a été dite au moment voulu. Ça a été dit au moment voulu. Qu'on le dise avant le salam ou bien après le salam. لِأَنَّهُ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ دُبَرَ كُلِّ صَلَةٍ. Pourquoi ? Parce que si on l'a dit avant le salam ou après le salam, lorsqu'on dit salam, les salutations, j'ai oublié de le traduire, les salutations, alors l'auteur, Sheikh de Ifadatul Mustafid, c'est-à-dire du commentaire, il dit on aurait été en cohérence avec le terme cité dans le hadith. Le prophète a dit fi duburi kulli salah. Donc si c'est à la fin de la prière, mais avant la salutation, ou bien après la prière, après la salutation, on est quand même en cohérence avec le terme. Fi duburi kulli salah. C'est-à-dire que Sheikh, il doit peut-être être d'avis que ça sous-entend aussi bien ça, comme ça peut sous-entendre aussi bien ça. Lakin ala qawlayn. Mais sinon, il y a deux avis chez les savants. Deux avis. Chacun, certains savants qui considèrent que c'est avant le salam et d'autres qui considèrent que c'est après le salam qu'on dit cette invocation. Sauf que, Sheikh ici dit, dans tous les cas, on est en cohérence avec la parole du prophète, fi duburi kulli salah, après chaque prière. وهذا القسم الأول وهم أسعد الخلق الذين جمع بين العبادة والاستعانة بالله عليها. Et le cheikh ici nous dit, et donc ceux qui vont réunir les deux, aussi bien entre l'adoration et la demande d'aide, ce sont les hommes les plus heureux. Ce seront les plus heureux, أسعد الخلق, les créatures les plus heureuses, le fait d'unir les deux. ويقابل هؤلاء القسم الثاني وهو القسم الخاسر المعرضون عن عبادته والاستعانة به. Ensuite l'auteur il cite la deuxième catégorie. La deuxième catégorie concernant إياك نعبد وإياك نستعين. Donc la première catégorie c'est ceux qui réunissent entre les deux, al ibada wa al-isti'ana. La deuxième catégorie c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ceux, la ibada wa al-isti'ana. C'est ceux dont il n'y a point d'adoration et point de demande et d'imploration d'aide. D'imploration d'aide. Wa hum al-qism al-khasir. Et ça, c'est la catégorie perdante. Al-mu'aridun an ibadati wa al-isti'anati bi. Fala ya'budunahu wa la yasta'inuna wa la yasta'inuna bihi. عطلوا هذا نهائيا والعياذ بالله نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم. Donc eux ni il y a ibada ni il y a isti'ana. فعطلوا هذا نهائيا. C'est comme s'ils ont oublié, délaissé leur créateur, fa'Allah nasiyahum. Et Allah les délaissera. Qala l'auteur. L'auteur dit, bel, in sa'alahu ta'ala ahaduhum wa sta'ana bi, fa'ala hudhuzihi wa shahawatihi. Fa'ala hudhuzihi wa shahawatihi. Thumma qala, wallahi subhanahu wa ta'ala, يسأله من في السماوات والأرض ويسأله الأولياء ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلقه إبليس مع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده كانت زيادة في شقوته وبعده وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على من لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله عز وجل كان سؤال مبعدا له عن الله عز وجل Bimarna, donc ça c'était la parole de l'auteur. Ensuite l'auteur dit, et à l'opposé de cette catégorie, comme on l'a dit, ceux qui se détournent aussi bien de l'ibada ou l'istirana. Quand il dit cela, il parle de la deuxième catégorie. Ni il l'adore, ni il réclame son aide. Par contre il dit, s'ils viennent à l'implorer ou à solliciter son aide, c'est uniquement pour leur intérêt personnel ou pour assouvir leurs désirs. Par contre, ça se peut que dans cette catégorie, l'auteur enseigne que ça se peut dans cette catégorie que si, ma foi, ils adorent, ou plutôt s'ils demandent, et dit, pardon, plutôt s'ils viennent à implorer ou solliciter l'aide du Créateur, c'est uniquement pour leur intérêt personnel ou pour assouvir leur désir. En sachant, il dit, donc c'est la traduction rapprochée des propos de l'auteur dans son œuvre, en sachant que tous les occupants de la terre et des cieux l'implorent. En sachant que tous les occupants de la terre et des cieux l'implorent le Créateur. Tant ses élus que ses antagonistes. Tant al-awliya ou awliya'u ou a'da'u. Ou bien à l'inverse. Alors il prodigue aux uns et aux autres. Regardez, c'est très pertinent l'auteur ce qu'il dit. Il dit, mais il prodigue aux uns et aux autres. C'est-à-dire, Allah donne quand même à ses alliés et à ses antagonistes aussi. À ses awliya et aux ard, Allah leur donne quand même. Puisqu'on a dit précédemment, aussi bien les habitants des cieux et de la terre l'implorent. Et Allah, il donne. Et l'auteur, il dit, il prodigue aux uns et aux autres. Par exemple, il dit, bien qu'Iblis, al-Shaytan, soit pour Allah le plus haïssable de ses créatures. Iblis, bien qu'il soit pour Allah le plus haïssable de ses créatures, il a répondu à sa demande. Allah Azzawajal a répondu favorablement à la demande de Iblis. Il a satisfait ses besoins et il lui a permis de jouir de son aide. Cependant, l'auteur dit, Satan n'avait pas pour ambition à travers son invocation de chercher l'agrément d'Allah. Cependant, Shaytan n'avait pas pour ambition à travers son invocation de chercher l'agrément du Créateur. Donc l'auteur ici sous-entend que dans notre demande d'imploration de l'aide du Créateur, on sous-entend ici, on demande son aide dans ce qui satisfait notre créateur. Et dans ce cas, gré notre créateur, subhanahu wa ta'ala. Lui, Shaitan, il a demandé des choses. Il demande des choses, cependant, alors qu'il n'avait pas pour ambition, à travers ses demandes, de chercher l'agrément d'Allah, comme dit l'auteur. Donc, il dit, elle lui aura servi en définitive qu'à l'éloigner de son Seigneur et amplifier son malheur. En définitive, cette invocation, cette demande, elle lui aura servi en définitive qu'à l'éloigner de son Seigneur et amplifier son malheur. Ainsi, regardez l'auteur ce qu'il dit ensuite. Il dit ainsi, toute invocation de demande et de soutien du Créateur, exalté soit-il, a pour but de se rapprocher de lui à travers l'adoration, ou qui n'a pas pour but, dit, ainsi, toute invocation et demande de soutien du Créateur qui n'a pas pour but de se rapprocher de lui à travers l'adoration, elle ne fera que l'éloigner de son Créateur, de son Seigneur. Elle ne fera que l'éloigner de son Seigneur. Alors l'auteur, il dit ensuite, donc ça c'est la traduction des propos de l'auteur dans son œuvre. Ensuite il dit, فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤاله أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له أو فيقضيها له وفيها هلاكه ويكون منعه حماية له وصيانة والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشوب بذلك وهو لا يشعر وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعناد وعلامة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن له. Et là l'auteur ensuite il dit فليتدبر العاقل. Alors ensuite l'auteur dit que celui qui est doté d'une raison, qui est sensé, il dit doit donc bien réfléchir. Regardez ce que va dire l'auteur. Il va dire une parole très pertinente. Il dit donc que l'homme sensé doit bien réfléchir à cela. À cela, c'est-à-dire à quoi ? Regardez ce qu'il va dire. Il doit savoir que le Créateur, qu'Allah, n'assouvit pas forcément les besoins d'une personne en vue de l'honorer. Donc, regardez, on a cité qu'il y a quatre catégories face à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. On a cité la première catégorie, ceux qui l'adorent et ceux qui implorent son aide. La deuxième catégorie, c'est l'inverse. La ibada wa la isti'ana. Wala isti'ana. Mais l'auteur dit, la deuxième catégorie, ceux qui ont ni ibada et ni isti'ana, parfois ils peuvent quand même implorer le Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il explique que tout ce qu'il y a, ou tous les habitants des cieux et de la terre, implorent le Créateur. Ça peut leur arriver de demander l'aide du Créateur. Mais Allah leur répond. Comme Allah a répondu à Iblis. Alors que Iblis est la créature la plus haïssable auprès du Créateur. Mais Allah Azzawajal a répondu à Iblis en lui donnant un délai, par exemple. Donc Allah lui a répondu. L'auteur explique que donc l'homme sensé doit bien réfléchir à cela. Pourquoi ? Il doit savoir qu'Allah n'assouvit pas forcément les besoins d'une personne en répondant à sa demande pour l'honorer. Pour forcément l'honorer. Cependant, il peut à travers cela lui causer sa perte. En disant, il peut en tout état de cause aussi refuser la demande d'un serviteur. Et à l'inverse, regardez. Une personne ni qui l'adore, ni qui implore son aide, si il demande quand même, si éventuellement il demande l'aide du Créateur, Allah peut lui répondre. Pas forcément en vue de l'honorer. Et à l'inverse, un serviteur dévoué, qu'Allah Azzawajal agrée, et dont il est satisfait de lui, peut lui demander et l'implorer, et Allah ne lui donne pas. Et Allah ne lui donne pas en vue de quoi ? De le protéger. En vue de le protéger. Donc il peut donner à un, pas forcément en vue de l'honorer, et il peut priver un serviteur, pas forcément pour le priver, mais pour le protéger et le préserver. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أحونا ولا قتل بالله اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة نكمل الكلام في هذه الأقسام إذن بين المصنف رحمه الله تعالى أقسام الناس في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين وهذا الكلام مأخوذ من قول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين فقلنا إنه بناه على هذه المنازل يعني على هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين فذكر المصنف في هذا أقسام الناس وهم من جمع بين العبادة والاستعانة القسم الأول لأنه ذكر أربعة أقسام القسم الأول وهم من جمع بين العبادة والاستعانة والقسم الثاني من لا يعبد الله ولا يستعين به قلنا والقسم الثالث من يعبد الله ولكن لا يستعين به والقسم الرابع من يستعين بالله ولكن لا يعبده ولكن لا يعبده Et donc on est toujours sur l'explication des quatre catégories concernant le verset « Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ». On a clarifié la première catégorie. C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons l'aide. La première catégorie « Man jama'a bayna al-ibadati wa al-isti'ana ». On a dit c'est celui qui est réuni entre al-ibada wa al-isti'ana. La al-qism al-thani, c'est celui « La ya'bud wa la yasta'in ». C'est le qism al-thani, c'est l'inverse. C'est l'inverse comme on l'a cité précédemment. Et l'auteur, lorsqu'il parle de la deuxième catégorie, il cite une faïda très importante, un élément très important, lorsqu'il dit فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه لكن بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه ويكون منعه حماية له وصيانته والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. Regardez ce qu'il dit. On a terminé sur cela, c'est très pertinent lorsqu'il dit alors l'homme sensé doit bien réfléchir à cela. Il doit savoir qu'Allah n'assouvit pas forcément les besoins d'une personne en vue de l'honorer, mais cependant il peut à travers cela lui causer sa perte. Il peut en tout état de cause aussi refuser la demande d'un serviteur pour le protéger et le préserver. Regardez lorsqu'il dit « Bel qad yas'aluhu abduhu l'hajata fayqdiha lahu wa fiha halaku » Et donc l'auteur explique que parfois Allah Azza wa Jal peut protéger son serviteur, le préserver justement en ne pas répondant à son imploration, en ne répondant point à son imploration. Et il dit wal ma'soumu man 'asamahu Allah. Man il ma'soum, c'est qui celui qui est protégé et qui est préservé? Il dit man 'asamahu Allah. Mais il dit « wal insanu ala nafsihi basira ». Et l'auteur dit « mais chacun d'entre nous, l'individu, est plus connaisseur. Chacun d'entre nous connaît mieux sa propre situation et sa propre personne. » Donc cette parole-là, il faut la méditer. « فَلِيَتَدَبَّرِ الْعَاقِلُ هَذَا وَلِيَعْلَمْ أَنَّ إِجَابَةَ اللَّهِ لِسُؤَالِ بَعْضِ السَّائِلِينَ لَيْسَتْ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَسْأَلُهُ عَبْدُهُ الْحَاجَةَ فَيَقْضِيهَا لَهُ وفيها هلاكه ويكون منعه حماية له وصيانة والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. قال رحمه الله وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به سبحانه وتعالى. Et regardez ensuite qu'est-ce qu'il dit. Il dit « Certains se font en effet une mauvaise opinion du Créateur. » Comment ? Ils se font une mauvaise opinion du Créateur en voyant qu'il répond à la vocation d'un autre et non à la sienne. Donc parfois le serviteur, il peut voir qu'Allah il a répondu à la vocation et l'imploration d'un autre, mais il n'a pas répondu à son imploration. Alors ensuite, il peut être touché par une mauvaise pensée et un mauvais soupçon auprès d'Allah Azza wa Jalla. Pour ça, cet enseignement, c'est pour ça que j'ai... Je réitère, cet enseignement, il est très pertinent. Si le serviteur, il voit que lui, sa demande et son invocation n'a pas été exaucée, mais qu'un autre, sa demande, elle a été exaucée, il ne faut pas avoir une mauvaise pensée envers son créateur. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'Allah Azza wa Jal t'a épargné, et t'a protégé, et t'a préservé. Et un autre, Allah Azza wa Jal peut lui donner, mais ce n'est pas forcément en vue de l'honorer. Pas forcément vu qu'il soit honoré. Et toi, il t'a pas répondu, mais ce n'est pas forcément vu de te priver. Mais c'est parce qu'il t'a protégé. Il t'a préservé, subhanahu wa ta'ala. Alors imaginez-vous un croyant, un serviteur, qui a une mauvaise pensée envers son créateur, parce qu'il n'a pas répondu, il pense qu'il n'a pas répondu à sa demande, alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, son créateur, lui a voulu du bien, il l'a protégé et préservé. C'est pour cela qu'il faut connaître son créateur. Et c'est pour cela que l'auteur dit فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه. C'est pas forcément pour l'honorer. ويكون منعه حماية له وصيانة والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به سبحانه وتعالى وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى وسنذكر هذه الآية وقول الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما نسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم Et que la vous récompense pour votre assise, votre patience et votre bonne écoute. Barakallahu fikum.